Tu le sais bien que je t'attends. Que tu me mens que si souvent. Même si c'est très enrichissant. Je me sens bien seul à présent. Chiche que tu ne reviens jamais. Je mise pas un clou sur le passé. Même si c'est moi qui suis pas bien. J'attendrai pas la Saint-Clin-Clin. Toutes les choses dont je rêvais ne me sont jamais arrivées. Me restent mes yeux pour pleurer, ma guitare pour les oublier. Oui, mais lorsque je la saisis, me reviennent les mélodies, celles que nous chantions sur ton lit, à poil au milieu de la nuit. Je ne voyais pas la vie comme ça, moi, je la voyais avec toi. Il a fallu que l'on se noie sous des tonnes de n'importe quoi. Tu le sais bien que je t'attends. Que tu me manques si souvent. Même si c'est très enrichissant. Je me sens bien seul à présent. Chiche que tu ne reviens jamais. Je mise pas un clou sur le passé. Même si c'est moi qui suis pas bien, j'attendrai pas la Saint-Clin-Clin. Toutes les choses dont je rêvais ne me sont jamais arrivées. Me restent mes yeux pour pleurer, ma guitare pour les oublier. Oui, mais lorsque je la saisis, me reviennent les mélodies. Celle que nous chantions sur ton lit, à poil au milieu de la nuit. Je ne voyais pas la vie comme ça, moi, je la voyais avec toi. Il a fallu que l'on se noie sous des tonnes de n'importe quoi. Tu le sais bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends. Bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends. Tu le sais bien que je t'attends.